Vous écoutez C'est fou en balado-diffusion. Vous aimez ça? Visitez cestfou.ca. On s'appelle et on déjeune. Une présentation du service aux étudiants de l'UQTR. Là, maintenant, on reçoit Sophie Laforêt avec nous ce matin. Bonjour, bon matin, Guégué. Bonsoir, Simon. Bonsoir, ça va bien? Oui, t'as bien dormi à ce qu'on voit? Oui, c'est incroyable. Hey, aujourd'hui, on est mercredi. Oui, et tu viens de parler de quelque chose en particulier? Ou... Oui, c'est précis ce matin. Du contenu. On aime ça. C'est précis. Je viens vous parler de la formation Moussette. Moussette. Est-ce que ça dit quelque chose? Aucune idée. Ben, c'est une formation montréalaise qui a fait paraître déjà 3 disques. Je viens vous parler du plus récent album. Donc, c'est le Club Alpin qui est paru il y a quelques semaines. Et c'est normal si on ne connaît pas Moussette au sens où c'est pas un groupe qui s'est fait vraiment connaître malgré les albums précédents. Moi, personnellement, pour faire un survol de leur discographie, premier album est paru en 2004. Deuxième album, le premier album, c'était l'éponyme. Le deuxième album, Reste en lumière, paru en juillet 2007. Et le plus récent, Le Club Alpin, qui est paru en mars, quelque part en mars, à la mi-mars, il me semble. Moi, personnellement, ce que j'avais entendu de Moussette avant, ça ne m'avait pas vraiment accroché. La voix du chanteur est particulière. Sur l'album dont on va parler aujourd'hui, Le Club Alpin, ça se prête mieux aux mélodies, mais sur les albums précédents, j'avais un peu de misère. Un peu comme Bivouac, qui est une autre formation comme un peu méconnue, au même titre que Moussette, qui est une formation, je ne suis pas sûre de Montréal, mais en tout cas du Québec. Puis la voix du chanteur de Bivouac, je pense que c'est encore plus difficile que Moussette. En tout cas, tout ça pour vous dire que je pense que là, le dernier album, c'est vraiment leur meilleur album à ce jour. Et on va en entendre parler davantage. On va entendre parler beaucoup? En tout cas, oui. Puis en tout cas, on en parle ce matin. Tout ça pour vous dire qu'on va entendre une première pièce avant d'en parler davantage. On va entendre la pièce Feuille verte. Très bien. Donc, on va l'entendre le tout dans le cadre de Stéréotonine, dans le cadre dont s'appelle Léon Desjeunes. Et ça, c'est jusqu'à 9h. Et merci, Sophie Laforêt, d'être présente ce matin. On s'en va entendre Moussette avec Feuille verte. Et pendant que ma souris... Comme la souris, elle s'en allait par en haut. Elle était indisciplinée. Possédée par Satan. Thank you. c'était Moussette avec la pièce Feuille verte, tirée de leur plus récent album, Le Club Alpin. Qu'en dis-tu, Simon? Très intéressant. De la très bonne pop. Oui, c'est de la très bonne pop. Mais là, je vous avoue qu'aujourd'hui, les deux pièces qu'on va entendre, à mon avis, à mon humble avis, c'est les pièces les plus accessibles de l'album. OK, parce que sinon, elles sont plus out there. Out of the box. Ben, un peu moins évidente. Là. J'ai écouté l'album, puis premièrement, je pense pas. Ben, en tout cas, dans mes goûts à moi, ça sera pas un de mes albums de l'année. OK. Mais j'ai vraiment trouvé ça bon, quand même. Tu sais, je veux dire, il y a vraiment d'excellentes pièces comme Feuille verte qu'on vient d'entendre et la prochaine qu'on va entendre qui se nomme Les Fauves. C'est mes deux pièces préférées que j'adore, qui sont plus pop, justement. Mais il y a une pièce qui s'appelle S-H-T-R-O-B, qui pourrait se lire Strob. Strob. Qui est comme un délire de guitare de 5 minutes, mais tu sais, pour ceux qui aiment le genre, ça doit être super bon. C'est juste que moi, je suis pas familière avec ce genre de pièce instrumentale de délire un peu psychédélique, mais peut-être que tu aimerais ça. Un peu inspiré de la Spaceman guitare et des choses comme ça. Ouais, ça pourrait être ça. Sinon, il y a les Commodores aussi, une autre pièce qui dure à peu près 5 minutes. Il y a des pièces qui sont quasi instrumentales aussi. Tu sais, il y a comme, je sais pas, 3-4 phrases qui sont dites pendant la chanson, mais c'est pas une pièce instrumentale parce qu'il y a des paroles, mais c'est vraiment plus l'œuvre musicale en tant que telle qu'il faut apprécier. Ah, c'est bien. C'est bien. Donc, on va essayer ça très bientôt. Ben oui, très bientôt. En fait, moi, je vous le conseille. Si vous voulez vous procurer l'album, vous pouvez le faire sur Internet au coût de 4$. 4$ pour un album? Oui, bien ça, c'est en MP3. Là. Vous n'avez pas la pochette. 4$ pour un album? Est-ce que j'ai bien entendu 4$? 4$? Je vais même te donner l'adresse. Ben oui, bien sûr. Le www.moussette, M-O-U-S-S-E-T-T-E, .bandcamp. Ça veut dire band, B-A-N-D, camp. Comme le film, là. Avec les Jonas Brothers, c'est ça? Tout à fait. Ah, j'ai pas vu ça, mais ça doit être ça. Ben, je sais pas, il y avait un... En tout cas, continuons. Passons. Camp, c'est amp.com. Donc, moussette.bandcamp.com. Pour 4$, vous avez les 8 pièces qui sont bonnes. Hey, ça revient à 50 cents de la pièce. Exactement. Mais Simon, t'es bon en maths? Oui, non, pas en tout. C'est ça qui est le pire. J'aurais pu te dire que c'est 75 cents pour 3 tounes, mais... Mais c'est 50 cents pour 8... Chaque. En tout cas, tout ça pour dire que il faudrait encore que j'écoute l'album, mais pour l'instant, ce que j'ai entendu, c'est vraiment bien. Puis, qui sont les gars de Moussette? Parce que c'est cinq membres du groupe. Nicolas et Michel Moussette, qui sont frères dans la vie. Ah, c'est génial. Ouais, et Nicolas, lui, est dans avec Podcast également. Il y a Joël Vaudreuil aussi, qui est dans ce groupe-là, qui est avec... Podcast aussi. OK. Hey, le groupe préféré à Danny Janvier, c'est avec Podcast. C'est vrai? Non, ouais, pas vraiment. Tu y en reparleras. Ah, OK. Il y a Marc Galipo et Pascal DJ. Pascal DJ, lui, il fait partie du nom. Le nom qui a fait paraître un album il y a quelques années et dont on n'a plus de nouvelles. De ce nom-là. De ce nom-là. En tout cas, pas récemment, mais peut-être le qu'il travaille sur quelque N-O-M chose. Le nom N-O-M ou N-O-N? Le nom N-O-M, comme okay. Nom et prénom. Ah, ça, c'est, je suis un peu inculte de ce côté-là, mais qu'est-ce que le tu nom? Veux? Ben non, il n'y a pas... C'est pas question d'être inculte, pas du tout. Et donc, pour conclure cette courte critique, pas une critique, je vous dirais plus découverte, j'avais envie de vous faire entendre ça. Présentation. Introduction après, à... Vous en faites ce que vous voulez, j'ai pas envie de donner une note non plus. Moi, je pense que c'est un album intéressant de l'année. Et on va entendre la pièce Les Fauves, et comme je le mentionnais tantôt, c'est les deux pièces, à mon avis, qui sont les plus pop et accessibles de cet album-là. Donc, si vous aimez, puis que vous êtes prêt à avoir quelque chose de moins pop, ben écoutez l'album au complet, je suis sûr qu'il y a d'autres pièces qui vont vous plaire. Très bien, donc on s'en va écouter Les Fauves de Moussette sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. C'est Stéréotonine avec Sophie Laforêt. Et ça achève ces chroniques-là parce que l'émission achève aussi. Il en reste deux. De Chérie. Non, de Chronique. De Chronique, la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, il reste deux chroniques. Puis Chérie, il en reste deux aussi. Oui. Donc, profitez-en, là, restez sur les ondes de C'est Fou et manquez pas ça. Écoutez ça 24h sur 24 des fois que vous manqueriez ou vous oublieriez. Hein? Donc, voici Les Fauves. 89.1 FM. C'est vous. Dans tes oreilles. Dans les miennes aussi. Toutes les choses, les mineuses, chaque spécial, Refolpin, caravane, les chiens maigres, des airs blancs et les chemins. Pendant qu'elle finisse à boucher le croissant, je pourrais vous dire que c'était Moussette et que Sophie donc, va vous dire le titre aussitôt qu'elle va avoir fini sa bouchée. Les fauves. Les fauves. Mais il est vraiment bon, mon croissant, hein? La chasse-galerie. Excellent. C'est de la chasse-galerie, donc mais allez-y. Mais ça vient du panettier, en fait. Ah oui, mais quand même. Merci également de ta présence ce matin dans le cadre de Stérotonine. Hein? C'était vraiment sympathique. C'est un plaisir. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine. Oui. Pour la dernière semaine. Pour la dernière vous semaine. Vous appelez Léon Desjeunes. On s'appelle Léon Desjeunes de 7h à 9h le matin du Jab Bar. On s'appelle Léon Desjeunes le matin. On s'appelle Léon Desjeunes le matin du. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est d'ADEC. On s'appelle Léon Desjeunes, c'est de l'actualité nationale et utérienne, de l'insolite, des chroniques, de la musique émergente et une dose de bon sens. Sans frais cachés et sans contrat. Encore mieux, c'est gratuit. On s'appelle Léon Desjeunes tous les matins du lundi au jeudi de 7h à 9h sur les ondes de C'est Fou 89.1 FM. Présentation du service aux étudiants de l'UQTR.